CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. On recevra un improvisateur ou une improvisatrice pour le segment des coulisses de la lutte. Laurent Constantin viendra commenter l'actualité de l'UQTR dans son voyage au centre du campus et Maxime Tanguay nous fera écouter la musique pour étudier dans J'étude temps pour une chronique. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 9 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, t'as passé une belle fin de semaine? Je te dirais que mon samedi, j'ai pas mal dormi. Ah, ben tant mieux, t'as récupéré pour les 7 derniers jours. Oui, exact. C'est ça, faut bien se donner ça, demander un petit... De temps en temps. Donner une go sur le sommeil. Mais 11h. 11h de suite? Non, 11h de... Je me suis réveillé à 11h. OK, ah, c'est vraiment pas la même chose. Vraiment une grosse matinée. C'est ça. Non, mais on l'a dit, trop dormir. On l'a dit il y a quelques minutes dans le segment des instructions d'assemblage de jeudi passé. Pour exact. Ceux qui suivent pas qu'on est en direct à partir de 7h30, même si on le dit comme 20 fois par jour. Il y en a qui suivent pas, ça. Ouais, écoute, c'est pas grave. Ça peut arriver, l'illusion est là. Le mirage. Oui. On est rempli de bulles. On est comme un oasis. Oui, comme le jus. Oui. Plein de bulles aussi. Plein de pulpe. C'est drôle, hein? Plein de pulpe. Oui. De poulpe. Donc, bonne émission, bon matin. Et aujourd'hui, à l'émission, on va avoir, dans les quiz de la Luitre à 8h, on va recevoir un joueur ou une joueuse de la Luitre. Ça, c'est la Ligue d'improvisation de l'UQTR. Ensuite de ça, à 8h30, Laurent Constantin, lui aussi, un amateur d'improvisation et un grand joueur. Il va venir nous parler d'actualité, de choses qui se passent sur le campus. Ça s'en vient. Ensuite, à 9h, Maxime Tanguay et sa chronique « J'ai-tu le temps pour une chronique? » Oui. Ça, ben, il nous fait jouer de la musique hein, pour mieux étudier ou autre chose que vous avez à faire, même si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez l'écouter quand même. C'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Pas relaxante, qui permet l'étude, le travail. Moi, je la trouve relaxante, mais stimulante intellectuellement. Ouais, peut-être. Si on veut. Mm-hmm. Autour de ça, évidemment, ben, c'est un fait. Oui. On manque pas à notre du lundi. Et voilà. Et puis, c'est ça, plein d'autres choses autour de ce morceau d'os. Vas-y. Toi, t'as passé une belle fin de semaine? Ah oui, correct. On avait un souper de C'est fou vendredi. Oui. Avec la gang. C'était bien le fun. Fini tard en maudit. Oui. Samedi, après ça, un autre souper, mais de famille cette fois-là. Oh, t'étais pas trop fatigué? Non. Ça a été? Ça a bien été. Cool. Et c'était bon. Oh. Asiatique. Ah oui! Ça t'a fait maison? Une fin de semaine. Non, jamais de la vie, t'es humain. Ah, OK. Non, vraiment. De très bonne qualité dans un restaurant de grande qualité très près d'ici. Ah oui, OK. Alors, on va débuter. Mettons où? Ben là, je suis curieux, là. OK, attends un peu, là. Des indices? Ben, des fois, la vie va en haut et en bas. T'as des monts et vallées. OK. Monts et vallées. Oh, oui. Genre. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être. D'accord. C'est vraiment bon. Je sais pas. Est-ce qu'on a parlé déjà du restaurant d'Entrejean? Oui. En onde? En onde ou en onde? On a parlé en onde. Ah, bon. Oui. Je suis vieux radoteux. Tu me disais qu'il a fait que tu me textes au coin de la rue. Ça a été. Oui. Mais raconte-la de nouveau. De nouveau, mais c'est parce que je suis allé proche en fin de semaine. Je suis passé devant. Le restaurant L'Entrejean. Oui, pour ceux qui sont adeptes de la chronique du. C'est mardi qu'on c'est fait mardi, ça? C'est mardi, Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time. Donc, L'Entrejean qui est le. Hein? C'est le surnom pour L'Entrejean. Ben, finalement. Hein? Comment veux-tu le dire autrement que L'Entrejean? T'sais, l'engin exactement. Masculin et l'engin féminin. Ça a apporté votre vin, même? Parce que c'est entre deux gens. Oui! Et au milieu du. De ce même jet. Ah. Hein, apportez votre varin. Ah oui, exactement. Je pense qu'on l'avait fait mille fois, je pense. Oui. C'est un restaurant chaleureux humide. Bon, On l'avait fait. Hein, je sais pas. Peut-être en hors d'onde. On s'est peut-être dit on la fera pas en onde, celle-là. Ah, on est rentré vieux mononcle du matin. Là. Ah ouais. Là, on pourrait rire gras, là, comme. Ah. Voilà. Il nous reste seulement 2 semaines à l'émission, donc profitez-en. Celle du 9, celle du 16. Après ça, ben en vacances. Ouais. Donc, on va débuter avec Genesis Plus Astéroïde, puis après ça, ben, on verra. C'est déjà fait? Ouais, on verra. On verra. Chaud, humide, marécageux. Marécageux. Ce monde peut freiner, j'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher.

Au retour, on parle d'impro dans les coulisses de la lutte à l'Assemblage Requier. C'est là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 8h05, vous êtes toujours à Assemblage requis. Alors, ce lundi matin du 9 décembre... Oui, c'est bien décembre, hein? Oui, on est bien en décembre, oui. C'est ça. Le temps passe vite, mais pas si vite que ça, janvier. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu Plante. Oui. Il reste 2 semaines seulement. Oui. Ça paraît pas, mais 2 semaines moins, on a une demi-heure de fête. Oui, c'est ça. Si on compte les dodos en termes de demi-heure, nous en fait 15 ans. Ah ben ouais, on pourrait faire un décompte, un chocolat à chaque demi-heure. Ah, tu vois, c'est ça l'affaire avec l'Avent, c'est trop compliqué. Moi, c'est par demi-journée, chocolat de l'Avent. Okay. Pas une journée complète. Ça fait que t'en as acheté 2. Oui. Mm-hmm, 3, 4. À MPM. Ouais. You know. Aussi, Jobin et Soweto. Après ça, c'est dans les coulisses de la lutte, you know. You know. You know what I'm saying? C'est Noël, ça sort le rapper en moi. Comme le rappage d'emballage. Oui, c'est bon ça. Cadeau. Oui. Jobin. Soweto. Soweto. C'est bon. Sweet. Je pense que ça va être ma chanson pour me réveiller le matin. Ah oui? Ouais. À tous les matins? Non. Parce qu'on n'est pas à d'autres radios qui font ça. Hein? Les autres radios font ça, je joue la même chanson tous les matins. Non, mais je vais le mettre sur mon téléphone. Ah ouais? T'écoutes de la musique ailleurs qu'à C'est fou? Traître. Traître. Maintenant, voici Dans les coulisses de la lutte. Aujourd'hui, dans les coulisses de la lutte, on reçoit Charles Doucet. Bonjour! Bon matin! Salut Charles! Ça va? Ben oui, vous? Ben oui, on est en forme. Oh, il nous a fait des blagues de Doucet, puis douce, puis ça. Moi, je vais taper douce, là, comme le chiffre 2 en la langue. Oui, c'est qui? Douce! Donc, espagnol! Non, je la connaissais pas, celle-là. Non, ouais, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Donc, Charles. Peut-être la dernière aussi. Probablement, je retire ça au montage plus tard. Donc, Charles, tu parles-nous probablement de qu'est-ce que tu fais dans la lutte, dans quelle équipe est-ce que tu es? Tout d'abord, je suis dans les Bleus en tant que joueur régulier. De deux, je suis le bébé de la lutte. Okay. De trois, je suis peut-être le plus grand avec Phil Grenier, c'est pas mal égal. Quelle grandeur, mettons? Hein? Un bon 6-3 assumé. Ah oui, ok. Oh, ouais, ouais, tu me bats facilement là, de au moins un demi-pouce. Ouais, est-ce que ça compte le pompon de la tuque? Pas sûr, mais bleu, ça tuque comme les bleus. Hein. C'est pour ça qu'il est bleu. Hein. Et voilà. C'est ça. Ouais. Oui, excuse-moi, moi je suis en train de m'étouffer. Je te laisse y aller pour c'est celle-là. Certainement pas l'humour qui ça comme ça. Donc, décris-nous l'équipe des Bleus cette année. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Qui est dans cette équipe-là? Comment t'entends-tu avec eux? Ben moi je pense que de base l'équipe des Bleus c'est Elodie Mongrain qui voulait s'entourer de testostérone parce qu'il y a juste Elodie Mongrain et son harem. Donc Elodie et ses hommes après. Elodie et ses hommes, et voilà. Donc, Maxime Tanguay, Frédéric Bernard et comme tu dis, Monsieur Rainville, Vincent Rainville, pour les intimes. Mm-hmm. Ouais. Donc, les Bleus, une équipe bien posée, une équipe bleue, une équipe gagnante. En plus, c'est le fun. Aucune défaite. Aucune défaite. Et ce soir, dernière partie des Bleus, en fait, dernière partie de l'année 2013. Est-ce que les Bleus vont finir partie parfaite en 2013? Oh. Qui sait? À voir. La session, ben, dans le fond, l'année de l'huître continue jusqu'à la fin de la session d'hiver. Là, le score va continuer après ça, mais pour l'année. Là, ouais, pour l'année 2013, dernier match ce soir, bleu-orange. Donc, on vous invite 19h30 à la chaîne sur la pub. Gratuit. Oui. Ah. C'est ça, c'est une fois de plus que t'es supposé dans ce moment. Oui, on a un coton. Et puis, décris-nous un peu ton rôle dans cette équipe. Est-ce que t'es le... Ben, c'est ça, décris ton rôle. De base, avant au secondaire, j'étais plus le gars qui aimait ça être posé, tout ça. Mais maintenant, on dirait que je suis rendu la pute à essayer de faire rire et la pute à... à mettre de la vie un peu là, parce que j'ai une équipe déjà avec Max Tanguay et Elodie Mongrain qui est assez posée, donc moi je suis là pour mettre un peu de cave dans les bleus. C'est correct ça. Et voilà. Ça en prend? Ben oui, c'est une connerie. Ça en prend des caves à l'intro. Voilà. Sur une note plus personnelle, mettons, là, toi, la personne, on a parlé d'impro, mais toi, là, qui es-tu, en quoi t'étudies, t'sais? Moi, je suis en géo. On a réussi à recouper quasiment toutes les géos de la lutte dans les bleus, soit moi et Max Tanguay. Voilà, belle gros, gang. Gros défi cette année. C'est ça, je suis en géo, première année, je viens d'arriver à l'UQTR. Je suis un gars du lac, donc lac Saint-Jean, pour le monde qui ne savent pas quel lac. Et non pas le Saguenay, vous allez vous faire écœurer par tout le monde si vous dites qu'ils viennent du lac, mais ils viennent du Saguenay. Pour bref. Suite. Oh, fait que prenez pas de chance, puis informez-vous avant. Informez-vous. On va faire attention. Oui, écoute, à Trois-Rivières, c'est un vrai fléau, là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tabassage. Mais en fait, lui, il n'y a pas ça entre le Cap et Trois-Rivières, là. Hey, commence pas ça. Oh, oh, God! Et puis, écoute, t'as parlé que t'as fait de l'impro au secondaire. Ouais, est-ce que c'est comme ça que t'as commencé? Ouais, ben, En fait, j'ai commencé au primaire, mais ça, on peut dire que c'était plus pour me déjeuner que faire de l'impro. Il y avait de l'impro au primaire? Ouais, j'avais de l'impro à mon école primaire. J'ai fait 2 ans d'impro à mon école primaire. Ensuite, 5 ans au secondaire, on a fait des tournois en masse avec une gang d'amis. On a fait beaucoup de tournois provinciaux, puis on torchait, en gros. Au primaire, c'est genre... sur la thématique de la boîte à lunch ou genre... Oui. Ouais, je me souviens, l'impro, c'est Papyrus Paprika, là, ça m'a marqué. Ah, la jeunesse, non, oui, puis, c'est quand même bon. Ben oui. Ouais, tu sais pas ce que tu fais, tu crées le nom de l'impro, puis tu fais des faces, là. Ça ressemble pas mal à ça. Ou tu fais semblant de te mettre à pleurer, puis ça peut être une bonne impro, c'est cute. Oui. Ton meilleur ou pire souvenir d'impro, ou les deux? Ah, ça, c'était clairement en tournoi. avec mon équipe du secondaire, justement. C'est Saint-Pascal de Kamouraska. C'est le plus gros tournoi provincial junior. On avait carrément abandonné un de nos gars. Le thème, c'était Poussière d'étoiles. C'était contre Saint-Jean-de-Viennet en quart de finale. On était en secondaire 4, si je me souviens. Et on a littéralement abandonné notre ami. Parce que, pauvre lui! Il était juste sur la bande, là. Il était là, sur le bar, puis il fallait juste nous dire... Ben, il le disait pas fort, mais il faisait être mimé, genre... Qu'est-ce que je fous là? Il nous regardait sur le bar, puis il faisait comme... Les gars, s'il vous plaît. Puis t'avais la fille en avant qui criait, qui faisait... Puis on faisait comme juste... On s'est penché sur le banc, puis on s'est mis en boule, puis on l'a abandonné là pendant 4 minutes. Oh non! C'est chien! Puis le plus beau moment, c'est après, quand il nous a tombé d'en face, après la game. Ah oui! C'était magique. C'est plus votre ami maintenant, du tout. Ah oui, c'est vraiment! Puis on l'appelle encore Fatas, puis il aime ça. Donc, toi, quand je te demande un meilleur ou un pire, tu es allé directement au pire, fait qu'il n'y a pas de bons souvenirs? Ben, bon souvenir, je pense, notre année secondaire 5, qu'on a eu 27 matchs, défaite. Puis là-dessus, on a gagné 5 tournois. Donc, 5 tournois parfaits durant notre secondaire 5. C'est constant pour toi à gagner. Là. Ouais, c'est avec non, les bleus, c'est pas si dur de vivre comme ça. Il a fallu que je joue pour une autre couleur. Genre, je sais pas, les oranges ce soir qui vont perdre, ça va être clair. C'est la vie. Hein. J'ai des gagnants. Et puis, écoute, t'en fais depuis longtemps. Pour toi, c'est quoi un peu l'improvisation? Qu'est-ce que ça te permet? Ben, de base, comme je l'ai dit au primaire, c'était vraiment pour... me déjeuner. Puis après ça, c'est devenu plus un trip d'amis. Un trip. On était 6 gars suivants, on chantait des tunes pas possibles tellement que c'était vulgaire. Puis on était des amis même en dehors, fait qu'on vivait d'impro, puis on buvait de la bière, puis c'était vraiment, on était des petits gars, des petits bums illégaux. Ouais. C'était vraiment plus un trip d'amis au secondaire. Maintenant, ben, c'est un trip d'amis, mais pas de monde secondaire. Avec du monde de l'université. Ah ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, ben c'est cool. Exact. Tu nous as raconté tantôt dans ta pire anecdote quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'autre, qui est arrivé à quelqu'un d'autre, mais toi, est-ce que t'as déjà eu une humiliation, est-ce que t'as déjà fait une gaffe en impro, genre que t'as marqué, là, que tu veux jamais en parler, mais qu'on te force à le faire. Oui. Ben, tu sais, je suis tellement parfait. Non. Et humble. Oui. Non, le nombre de fois, on dirait que dès que j'arrive dans une fusillade, dans le fond, t'es toute seule, tu te fais tirer sur la bande, puis ils te disent un thème, tu décolles. Oui. Ça, j'ai un blocage chronique. Je fais comme juste... crampe au cerveau. Puis ça ressemble souvent, je dirais que mon best-of d'impro, c'est vraiment les fusillades. Donc, mes pires moments à vie. Ah. Mais pour les fusillades, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que l'équipe nomine quelqu'un pour aller à la fusillade? Ouais, ben d'habitude, c'est 3 joueurs par équipe. Le 3 quarts du temps, c'est les prolongations qui sont les mêmes. Donc, 3 joueurs par équipe. T'arrives sur la bande, tu te fais donner un thème, c'est 30, 45 secondes, okay. Une minute. C'est pour ça que j'y vais jamais. Puis en prolongation, c'est ça la lutte. Et depuis le début, sur 5-6 matchs, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui a fini en prolongation. Okay. Oui. Ben, vu que t'es quelqu'un qui aime pas ces affaires-là, tantôt, on te réserve quand même un petit segment qui ressemble étrangement à ça. Et peut-être que ça deviendra ton humiliation. Ouais, peut-être. Ouais. Et voilà. Écoute, on l'a fait avec Antoine. Ouais. J'ai le goût de le faire, voir. Hein? Ouais, freestyle comme ça. Freestyle. Tout le temps les mêmes questions. Alors, on y va, puis sont très bonnes. Si ça vient, on pourra renchérir. Okay. Écoute, c'est des petites questions en rafale. Vas-y, développe là-dessus. Toi, serais-tu plus Mac ou PC? PC. Bon, pourquoi? Ouais. Ben, tu sais, on s'entend que tu peux pas être un gamer accompli avec un Mac. Ah, ben, voilà. Quand même. Et voilà. Quand même, oui. Ça a du sens, oui, vraiment. Pour une fois que cette réponse-là est valide. Oui. Est-ce que t'es Coke ou Pepsi? Clairement. Clairement, c'est évident. Non, Coke, Pepsi, c'est un peu trop sucré. Ah, ok. Ah ouais, okay. Donc, t'es pas diète, toi. Non, non. Regarde, tu bois du Pepsi, fais pas ta chochotte, là. Assume que tu bois, là. Et puis, pour déjeuner, c'est quoi tu préfères? Les œufs McMuffin de ma. Ben, pas McMuffin, mais œufs déjeuner, oui. Un sandwich de ma mère, ça, c'est vraiment. C'est un fantasme, c'est prêt en 3 minutes, puis. Génial. Ah. Venez essayer ça chez nous, je vous invite. Okay. Ah oui, ok. Au lac? Au lac. Au Saguenay. Ben non. Ben en fait, ma mère est rendue au Saguenay, mais ça, faut pas le dire. Ça défait toute l'histoire, faut pas dire. Ouais. Non, c'est ça, là. C'est pour ça que je l'assume mieux maintenant. Okay. J'ai encore sur le cœur. Ah. Excellent. Fait que, puis ton choix de viande, mettons, dans ton McMuffin, ça dépend souvent bacon ou jambon, dans le fond, ce qu'il y a dans le frigo. Tu sais, le matin, ça tente pas de sortir. C'est vrai. On demande jamais bacon et jambon ensemble. Non, ben non. C'est arrivé une fois où je l'ai vu. J'étais dans un restaurant à déjeuner avec une madame, là, tu sais, madame. Pas sa mère. Non. Okay, bon. Mettons qu'il y a ses menus, là. Ouais. Puis, c'est ça, quelqu'un a pris le wrap déjeuner avec extra bacon, jambon. Oh, ça a l'air que c'était exquis. Ah ouais. Exquis. Wow! Exquis. Ouais. Tu vois, il a plugué le nom du restaurant. Ouais, c'était pas lui. C'était pas lui. En tout cas, ta mère, elle serait fâchée. Puis, ça serait compréhensible. Puis, est-ce que t'es déjà à mettre des légumes aussi dans ton... Ben là, faut quand même salade tomate. Salade tomate, ok, parfait. Mais pas salade tomate concombre, les huiles, non. Les huiles, vinaigrette. C'est la question qui dépassait le bon goût de ce segment-là, je trouvais. Ben, on l'a demandé à Antoine. Quelle sorte de légumes? Ben, on l'a demandé à Antoine, puis il a dit... juste laitue, je pense. Okay. On pourra faire des associations. Ta laitue, ça bloque le chemin du gras vers ton... Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis on avait demandé aussi s'il y avait mayo, oui. Miracle Whip, oui. Ou plus beurre... Allez, gars, come on. Clairement, Herman, là, on mange pas de la sauce à salade d'un sandwich. Tu sais, parfait. C'est une salade, c'est un sandwich. Hey. Fait que mayo sacré, ça m'a tellement offusqué. Ouais. Est-ce que tu mets mayo et beurre ou juste mayo? Mayo, ouais, tu peux mettre un peu de beurre quand tu te sens fait une chouille. Ouais, OK, parfait. Mais comment ça, hier? C'est très, très non, mais bon. Tant qu'à mettre de la mayo puis du beurre, là, laisse la mayo sur la table pendant quelques temps, ça va faire une genre de croûte qui ressemble à la margarine, comme ça, tu le beurres dessus, puis c'est parfait. Oh, oh, oh, on parle pas de margarine, là, on parle de beurre. Ah, oh, excuse-moi. Oui, oui, quand même. Voilà. Oui. Et puis, le choix du pain aussi, on a laissé tomber le choix du pain. C'est vrai, est-ce que c'est du croûté, sésame, bagel, pain tranché? Pain tranché blanc pour les matins tranquilles. Ouais. Sinon, du long en grains tu coupes en deux ou tu te fais une espèce de sandwich de malade quand t'as vraiment faim. Ça, ah, wow! C'est bien. Moi, ce qui m'offusque, là, t'as-tu vu à la cafétéria, il s'est marqué tranché épais sur leur pain, puis il est mince là, comme un demi-centimètre, sérieux. Ah ouais? J'ai jamais vu du pain aussi mince que ça, puis il l'appelle du pain tranché. Ah, c'était pas des chips? Des chips, c'est ça. C'est des crêpes. des tortillas. Ouais. Tabarnouche. Bon, assez sur ces questions anodines et très, très pertinentes. Oui. Parce que ça va être le moment de parler directement à notre grand public. C'est vraiment ta chance de partager sur ce qui t'inspire en ce moment. Et on a justement une seule question à te poser, Jean-Philippe. Donc, à la manière d'une aparté, on va te laisser aller sur qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Charles. J'ai manqué de me planter sur la glace ce matin. C'était un des plus beaux moments de ma vie. J'ai comme vu la vie défiler devant mes yeux et avec un peu de carquois, ça m'a ouvert les yeux. Je me sens poétique. Jean Lajoie, Rémi Francœur et tous ces hommes qui ont marqué ma vie. Non pas par leur pad, mais bien par leur vocal. C'est à ce moment que je me suis dit « Ah, pourquoi pas mourir ce matin ?» J'ai déjà tout vu ce qu'elle va avoir à Trois-Rivières. Et là, on entend les grenouilles pour terminer ce moment de glace. Merci, grenouilles. Oh. C'est parfait. Merci, grenouilles. Merci, grenouilles. On les apprécie, ces grenouilles-là. Hey, oui. Ils font bien leur travail de chant featuring vocal. Oui, c'est leur pad. C'est vrai qu'il est marquant. Rémi Francœur, son pad, hein, à chaque année, on dirait qu'il s'améliore dans le pad. Oui, il est pas pire. On dirait Paddington. Oui. Justement, Paddington aurait dû avoir un pad, ça aurait fité, je trouve. Ben, tu sais, quand je disais partie vocale, c'était pas nécessairement. Je parlais pas nécessairement de Rémi Francœur, mais peut-être. Peut-être plus de Jean Lajoie. Jean Lajoie, le chanteur humoristique. Et voilà. Avec Pad. Ben, en fait, de base, je vais pas dire Jean Lajoie, mais plus le gars qui chante au Madrid. C'est quoi son nom, là? Qui chante au Madrid? Normalement. L'amour! L'amour! Excuse-moi, Jean Lajoie, mais tu viens de perdre ton rôle. Il s'est fait voler ça par un beau Normand Lamour et sa poignée de la poignée de fort. La poignée de fort. Le buisson. Merci, Charles. Ben, ça fait plaisir. Doucet, des bleus. On te retrouve à la 8 ce soir. Ce soir même. Puis vous avez besoin d'être là parce que je sais c'est qui nous a écouté. Oui. Allez sonner chez vous. Ouais. 19h30, chasse galerie, gratuit. Oui, puis ça peut faire une belle petite pause d'études, tu sais. Des fois, faut pas trop en faire. Crampe au cerveau. T'es tellement sage. Non, je suis un good man. T'es tellement prêt. Fred, c'est un prédateur. On l'appelle Fred. Ouais, okay. Je connais ça. Dans les coulisses de la Luitre, la semaine prochaine, toujours les lundis à 8h, ici même à l'Assemblage requis. La semaine prochaine, je pense que c'était, si je me trompe pas, je crois que c'est la dernière chronique cette semaine. Est-ce que ça se peut-tu, ça? Ouais, ça se pourrait, parce que le monde de la Luitre sont pas fiers, puis surtout avant Noël. Arrête donc ça. Et voilà. Arrête donc, tu dis des niaiseries, c'est même pas vrai. Dans quelques instants, on va parler avec. C'est Laurent Constantin qui s'en vient. Pour sa chronique Voyage au centre du campus. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une autre petite chanson que je te choisis dès là, moi. Dès là, comme un maître de la magie on à la télé. On pas écouter quelque chose qui était déjà préparé? Georges Brassens, peut-être? Ah, excuse-moi. Oui. Est-ce que t'as le tout que t'aimerais écouter, Charles? Je pense que vous l'avez plugué, mais pour mettre un peu de vie dans cette glace et ces grenouilles, Le Gorille de Georges Brassens, parce que tout le monde sait que les gorilles aiment les...

Imagine Granger, Going With You. Through the snow we go. Travers la neige, là? Ouais. Neige? À neige. Travers la neige, comme elle est blanche. Wow! Hey, ce qu'il faudrait pour rendre ça un petit peu plus viril que cette chanson-là, c'est un loup-garou. Voici Voyage au centre du campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Just a phase I'm going through. Just a phase I'm going through. Je l'ai fait. Oui, oui, je l'ai fait. J'allais le souligner. Oh, wow, ça commence toujours bien. Et pas mal meilleur que ta chanson que t'as chantée avant, j'en fais d'ailleurs. Merci. Voyage. Voyage au centre du campus, c'est la chronique d'actualité un petit peu du QTR. Et Laurent Constantin est avec nous. Bon matin. Bon matin, comment ça va les gars? Ça va bien. Très bien. Ah oui, alors je vous amène déjà ma dernière chronique du zone campus à lire. Ouais. C'est pas la dernière fois que je vais venir ici au micro. Je vais revenir quand même la semaine prochaine. OK, tu vas être là la semaine prochaine, oui, c'est bon. Oui. Mais ça va être ta dernière chronique pour le zone campus à vie, si je comprends bien. Là. Seul Dieu le sait. OK, parce que j'ai entendu ça dans le stage. Oui, c'est ça exactement cet hiver. Je ne suis pas à l'UQTR, je suis dans une école secondaire pour apprendre à travailler, apprendre à faire d'autres choses que de l'université. Finalement, progresser dans la vie. Tu vas faire quoi comme métier plus tard? Enseignant au secondaire, voilà. Profil univers social, donc l'histoire et la géographie. OK, cool. Oui. Super. OK, je vais être... auprès de jeunes de secondaire 4 et de secondaire 5 pendant 12 semaines. Ouais. Voilà. Chanceux. Sont chanceux. Alors, la chronique de cette semaine se nomme « L'heure des bilans d'une restructuration à l'autre ». Il est arrivé décembre et comme vous êtes probablement en fin de session, vous n'aurez peut-être pas le temps de lire ou écouter cette édition du Zone Campus. Ou c'est fou. Si jamais vous êtes en train de procrastiner, bonjour! En effet, c'est presque la fin de l'année, de la session de ma chronique bimensuelle aux ondes campus, du mandat de trois officiers de l'Assemblée de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Portons donc un dernier regard sur l'année 2013 et tentons de prédire ce que 2014 nous annonce. Depuis cet été, ou bien avant si on veut, on nous parle d'une restructuration administrative à la GQTR. Ça fait longtemps qu'elle est débutée, mais ça ne fait que depuis peu qu'on nous en annonce la fin. Du renvoi de la dernière directrice administrative à l'été 2012 à l'embauche de celle présentement en poste, il se sera écoulé un peu plus d'un an. Durant tout ce moment, l'Association générale des étudiants aura eu le temps d'engager et de renvoyer une adjointe administrative, ouvrir son nouveau pavillon à la vie étudiante, ainsi que faire décupler son nombre d'employés et de services. Restructuration de l'exécutif. Toutefois, ce n'est pas seulement au niveau de l'administration que la GE aura droit à une restructuration. Au niveau de l'exécutif même de l'Association générale des étudiants, il y aura un remaniement à effectuer. Avec le départ annoncé de François Arcan à la vice-présidence aux finances et développement, le sage départ de Caroline Rouillard au secrétariat général et le soudain départ de Mathilde Loisel-Lavitune à la vice-présidence aux affaires académiques, ce sont de gros morceaux qui s'en vont. Sur un total de 9 exécutants, ces 3 départs se sentiront assez rapidement. D'autant plus que 2 d'entre eux avaient été élus par acclamation au printemps dernier. C'est à croire qu'ils se sont passés le mot. Non. Écartons cette hypothèse. Décidément, le conseil exécutif de la GQTR a de la misère à retenir ses officiers. Ou du moins, à afficher complet. L'an dernier, ce fut les communications qui furent délaissées durant presque l'année au complet. Ce printemps, le poste de vice-président aux affaires académiques des cycles supérieurs était resté vacant suite aux élections. Alors qu'il venait tout juste d'être comblé, Jean-René Leblanc aux affaires sociopolitiques tirait sa révérence. Cet automne, Mathilde Loisel-Davidsune s'absente pour une durée de 6 semaines en raison de son stage. Absence dont elle ne reviendra pas réellement. Que manque-t-il exactement à nos institutions démocratiques étudiantes pour qu'elles soient plus attirantes? Des bourses d'officiers bonifiées? D'ailleurs, actuellement, l'Assemblée nationale du Québec croit que cela pourrait être une solution pour que de meilleurs candidats à la députation joignent les rangs. 10 000 $ en une année, ce n'est peut-être pas assez en comparé aux efforts déployés par nos élus étudiants. Permettre aux officiers de prendre une sabbatique de leurs études? Cette mesure, prise dans d'autres universités, permet aux gens désirant de ne pas mettre en péril leurs études de s'impliquer à temps plein. C'est ce genre de débat qu'il faudra tenir dans la prochaine année. Magasinage des fêtes. Je souhaite à Mathieu Roy et sa brigade que les soldes de que les jours de solde d'après Noël seront une belle occasion de recruter de nouveaux effectifs. Déjà que le conseil d'administration souffre depuis peu de gens qui se couchent tôt, j'espère qu'il ne se réveillera pas dès janvier avec une dépression saisonnière. La lourdeur de la tâche que chaque exécutant effectue à chaque semaine est assez importante. À effectif réduit, et ils l'ont vécu une bonne partie de l'année 2013, cela a pour effet de rajouter encore plus de poids sur les épaules de chacun puisqu'ils se partagent de nouveaux dossiers. J'espère donc que l'AGE ne reviendra pas les bras vides en janvier. Élection printanière. Sans aucun doute, le Québec tombera en élection au printemps. À la fin 2013, les élections municipales n'auront que dans rares cas satisfait le jeune électorat. Maintenant que nous sommes pris avec M. Lévesque pour les quatre prochaines années, pouvons-nous au moins nous débarrasser de la grande tragédienne libérale qu'est Daniel Saint-Amand? Avec la nouvelle loi électorale, les étudiants pourront enfin voter à partir de leur campus respectif pour le comté dans lequel ils sont inscrits. Alors, il n'y a aucune excuse pour ne pas aller voter. Simplement, il faudra encore attendre un peu avant de savoir qui sont les candidats qui s'opposeront à elle. Joyeux Noël et bonne année! Sur ce, profitez des deux semaines de vacances pour vous reposer et fermez vos livres. Probablement que vous en recevrez de nouveau à Noël. Fêtez et mangez copieusement dans vos familles pour prendre des réserves. Une nouvelle session va recommencer plus vite que vous le pensez, avec un carnaval qui va foutre en l'air votre emploi du temps plus vite que vous le croyez. Et voilà! Bravo, Laurent Constantin. Merci beaucoup. Oui. L'AGE, en effet, cette année, c'est pas facile, nécessairement, à côté gens qui s'en vont. Et oui. On dirait qu'on n'a jamais vécu ça avant. On dirait que, dans le temps, l'AGE, c'était vraiment très stable, pendant, il me semble, en tout cas, ce que je voyais. On entendait peut-être moins parler. Peut-être que le son de campus, c'était moins sur la nouvelle, les gens qui quittaient aussi. Je sais pas. Ah, peut-être. Mais je sais pas, qu'il y en a beaucoup. Oui, mais par le passé, il y a eu plus de... La difficulté des dissensions à l'intérieur sans qu'il y ait vraiment de démission. Il y avait beaucoup de blâme qui était porté envers des officiers qui faisaient pas leur travail. Mais là, on a vu bon, François Arcand qui part. Ah, c'était prévoyable. T'sais, il avait annoncé qu'il partait lui aussi en stage cet hiver. Ouais. Oh, Caroline Rouillard, hop, qui part aussi. Mm. Bon, là, on en a deux. Elle qui était passée de la présidence à un poste et après ça, à s'en aller. Présidence, secrétariat général, et là, elle s'en va. Et donc, on fait là, OK, là, ça fait quand même deux, c'est sérieux. Et là, les deux postes ont été affichés. Une fois, deux fois, là, on attend encore qu'il y ait du monde qui applique dessus parce qu'actuellement, il n'y a pas de personne d'annoncer pour les remplacer encore en janvier. Et là, hop, Mathilde Loisel-Lavitune part et elle, c'était son deuxième mandat à ce poste-là. Et ben, le poste vient d'être affiché, donc il n'y a pas encore de candidat. C'est la dernière saison ou session ou année scolaire, je crois, si je me rappelle bien, pour Mathieu Roy aussi. Parce que je crois qu'il a atteint son quota. Est-ce que ça se peut qu'il ait atteint son quota de... Je pourrais pas vous dire s'il a atteint son quota. C'est vrai que c'est déjà son troisième mandat en termes d'officier. Dont, Et peu importe que tu sois président ou pas, c'est trois ans de toute façon, c'est ça? Je peu importe le poste. Peut-être que je t'apprends à vous dire n'importe quoi que c'est son troisième. Mais bref, je confirme qu'il est en train de finir sa scolarité de toute façon. Il passerait à d'autres choses. Exact. Tu parlais de moyens pour essayer de les garder en peut-être bonifiant les bourses, des trucs comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une façon qui pourrait les convaincre ou est-ce que tu crois que ce serait mieux l'autre solution qui était de lâcher les études pour une session pendant qu'on se concentre sur la job d'officier? C'est vrai qu'ils reçoivent environ entre, je pense que c'est 488 $ par mois pour faire leur mandat. Ça peut paraître beaucoup. Tu sais, en tant qu'étudiant, on gagne pas autant d'argent avec une job régulière, mais considérant qu'ils font des heures vraiment astronomiques et que l'été aussi, ils peuvent pas faire plus d'argent, c'est-à-dire que l'été, ils continuent à faire quand même seulement 500 $ par mois, tandis que ben, quelqu'un qui travaille à temps plein dans une shop, peu importe, peut se faire quand même beaucoup plus d'argent que ça. Mm. Donc, c'est ça, ça pourrait être une solution de rehausser les bourses ou d'avoir plus d'employés qui puissent les délester de certaines tâches plus administratives ou, comme je disais aussi, certaines universités qui permettent aux étudiants de prendre une sabbatique pour être officier, donc pouvoir se consacrer vraiment à temps plein et mettre tous leurs efforts là-dedans. Donc, vraiment faire avancer des dossiers de A à Z. Ouais. Important. Ouais. Bref, ben, c'est un réfléchissons bien. Eh oui, oui. Non. Non, mais ça va encore bouger en 2014, j'en doute pas. Et je finissais sur une note sur le carnaval parce que même si je suis en stage cet hiver, je me suis inscrit au carnaval. Ah. Et oui, pour représenter, bien entendu, mon bac. Mais il va quand même avoir des bons shows. Mm-hmm. Oui, sexe légal. Et les trois accords, ça va être bon. Puis, je vais participer à l'épreuve en improvisation en plus. Fait que, Scoop! Et on te retrouve la semaine prochaine ici à Assemblage Requis. Oui, exactement. Et ma chronique va sortir à Zone Campus demain matin, mardi. Et lundi prochain, toujours sur les ondes de C'est Fou. Dernière sûrement ou proche de ça. Et nous autres, il nous reste deux semaines, mais tu fais ce que tu veux avec ça. Je vais. J'en prends bonne note. Il reste une semaine. Ça va être la dernière. T'as raison, c'est celle-là, l'avant-dernière. J'efface mes notes. Oui, laisse-moi. Donc, lundi à 8h30 pour notre chronique Voyage au centre du campus. Merci. Et bonne journée. Bonne journée à toi. Tantôt, Maxime Tanguay. Oui. Et j'ai tout le temps pour une chronique. Mes avancées, on va entendre une nouvelle pièce de Cowpuncher. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. N'est-ce pas? Oui. Bright Smell. Bright Paint. Rubber. Comment? Nez bouché. T'as le nez bouché? Oui. C'est décongestionnant, toi. Mais pourtant, je suis là-dessus. Tu flatules? Je suis flatule. Je suis flatule là-dessus. OK. C'est un assemblage requis. Au 89 FM, c'est fou. C'était Cowpuncher, une pièce de l'album Ghost Notes. Elle s'appelle Bridesmaids à Assemblage Requis. Tantôt, ça va être Maxime Tanguay et j'ai tout le temps pour une chronique. Oui. Lui qui aime ça nous faire entendre de la musique pour étudier. C'est le principe derrière la chose. Ben oui, c'est pas mal ça. Ouais. J'arrête pas de me mêler sur le temps qui nous reste. Il nous reste deux semaines, incluant celle-ci. Oui, c'est Mathieu. Ça que ça veut dire. C'est ça. Donc là, on a commencé l'avant-dernière. Il nous reste sept émissions après ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ça fait 8 moins 1, ça fait 7, là, pas mal, si on veut. Et si tu veux compter en nombre d'heures, là, ça veut dire qu'il nous reste 8 fois 2, 16. 16. Moins 1 heure et demie, ça fait 14h30. Oui. OK. le reste. Quand, oui, mais on peut compter aussi, puisque moi, oublie pas, lundi, mardi, mais mercredi, jeudi, je ne pourrai pas être là. La semaine prochaine, c'est pas prochaine. Mais tu vas venir nous voir la dernière émission, j'espère. Je devrais être là, oui, jeudi, venir faire un petit tour pour un spécial quelque chose. Spécial quelque chose? Un spécial quelque chose. C'est, tu laisses des indices, mais qui veulent pas dire grand-chose. On peut pas vraiment s'imaginer des choses. Là. Non, mais non. C'est ça. C'est ça. À la manière des soirées cachées, je vous cache tout. OK. Wow. Moi aussi, j'aimerais ça faire des affaires pour la dernière émission de l'année. C'est cool. Ah ouais, on pourrait faire un special. Ouais. On va s'arranger. De toute façon, la dernière semaine, on sait qu'il n'y aura pas grand monde côté chronique. Donc, on va faire ça maison pas mal. Mais on va avoir du plaisir. En effet. Avant de passer à Maxime, donc allons-y avec une autre pièce. Mais du côté francophone, cette fois-ci, c'est Mimi Van Der Glo. Voici Plus je crie. Oui. Toi, ce serait Plus je m'étouffe. Mais ça marche pas. Je fais ce que je peux. Faut que j'arrête de fumer des cigarettes. J'écoute la nuit qui rentre. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais, jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours. Cri de Mimi Van Der Glo. Au retour, Maxime Tanguay. Et j'ai tout le temps pour une chronique. J'ai tout le temps pour une chronique. J'ai tout le temps pour une chronique. J'ai tout le temps pour une chronique. Oui, oui. Vous êtes dans la zone 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Et mais dans quelques... Là, on l'a dit assez souvent, on va arrêter de le répéter, Maxime Tanguay tantôt. Avant ça, par contre... Oui. Tu triples. Ben, de ce temps-ci, oui. Tu sais, quand j'aime les vinyles. Oui. J'ai acheté le vinyle de la bande originale du film Reservoir Dogs. Oh. Qui est excellent. Oh oui. Vraiment une très très bonne BO. BO. Ça, c'est chose. Qui a fait ça? C'est Tarantino, c'est ça? C'est qui? C'est. Oui, oui, oui, exactement. Ouais. Mm-hmm. Donc, on va écouter Little Green Bag. C'est la plus connue, je crois. Ou, ben, c'est un classique. OK. Il y en a au moins trois là, qui sont très connus. Mais ah, bon. Ben oui. Classique. Pour marcher dans la neige. Vous êtes Assemblage Requis. Greenbag sur la trame sonore de Reservoir Dogs à Assemblage Requis. Et tant qu'à être dans le domaine de la musique de film, je pense que Jean-Philippe, tu vas te gâter avec du Pulp Fiction. Oui, exactement. Là, et là je cours. Ah, je te comprends, je te suis là-dedans. Et oui, je compatis et j'ai de l'empathie. Puis là, j'essaie de trouver le titre de la chanson. Je l'ai là devant moi, mais j'arrive pas à savoir le nom de la chanson. OK. Si tu mets. Mettons, là, je te dirais, on va jouer à quelque chose. OK. Tu tapes Pulp Fiction. C'est fait. Puis là, t'es dans quoi? Je suis dans Groove Shark. Puis mets Dance. Dance! Ça sera pas le nom de la chanson. Ça ne donne absolument rien, JP. Non, ça, par contre, c'est pas un bon indice. Là. Mais t'as du Let's Stay Together, t'as de Green, là, t'as du Girl, you'll be a Woman Soon, t'as Chuck Berry, You Can Never Tell. Oui, c'est exactement ça. Bon, You Never Can Tell. You Never Can Tell. Oh, je le savais tellement en plus. Là. Magnifique, ça a juste pris 15 secondes. C'est un buzz de cerveau du haut des congestionnaires. Ah, ça doit être ça. C'est Atrax, Anthrax, c'est ce que tu fais, je pense. Oui, c'est ça, je parle de l'Anthrax. C'est écœurant. Je le conseille à tout le monde. C'est pas vrai. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Une autre chanson de trame sonore, on vient d'entendre Chuck Berry, You Never Can Tell, sur la trame sonore de Pulp Fiction. Oui. Oui. Ça te fait plaisir, de petites chansons de trame sonore? Ben oui. Oui, Mathieu, tu m'as vraiment fait plaisir. Mon lundi est agréablement agrémenté d'agréments. D'agréments, c'est le fun. Tu préfères ça? Tu préfères une chronique trame sonore de film? Ah! Wow, ça, c'est une bonne idée, Mathieu. Hein? Là, oui. Oui. Là, j'aime les clins d'œil que tu me fais. Seems legit. Oui. Donc, toujours Assemblage Rocky. Et vous allez reconnaître éventuellement, là bientôt, la voix de Maxime Tanguay, une voix qu'on entend beaucoup assez fou, là, la lume. La lime. La lime. La lime. La lime. Ça l'allume. Ça, oui, ça m'allume beaucoup. Et la huître lui intéresse. Lui intéresse, lui. Non, mais elle m'intéresse beaucoup, la huître aussi. J'essaie de faire un jeu avec l'huître et intéresse. Parce qu'ils font moins de l'art que nous autres. Oh, vous avez remarqué la différence? Entre les deux. Mais, je dis ça parce que Charles est encore en studio, là, c'est pour le taquiner un peu. Ah, mais j'adore la huître. Il aime ça se faire taquiner, j'en suis certain. Donc, Maxime Tanguay. Il n'a pas le choix, il est sur mon banc. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de micro pour se défendre, à moins qu'il veuille en prendre. Donc voici la chronique. J'ai tout le temps pour une chronique. Et là, c'est Maxime Tanguay. Il faudra devoir vous répéter le titre. Et cette fois-ci, ça va être en tant que gars. OK, premièrement, t'es un gars. Hey, ça commence facteur. Bien. Merci commence à date. Là, ouais. Qui essaie d'expliquer, OK, la différence entre deux choses qui se ressemblent beaucoup trop. Comment tu veux qu'il fasse quelque chose avec ça? Il peut rien faire avec ça. OK. Étude temps d'une chronique. Étude temps d'une chronique. Ouais. Moi, je l'adore, ça. On pourrait tout le temps faire, elle. Ouais. C'est la meilleure, quand même. Maxime ben, Tanguay. Meilleur. Mais c'est vrai qu'il va avoir un CD best-of de toutes les gags de même d'avant. Ouais. Non, c'est une farce. Ben, moi, malheureusement, ils sont déjà que... toutes vendues. Ah ouais, tabarouette. Hey, je m'excuse à tous ceux qui ont acheté ça. Donc, Maxime, c'est ta chronique, j'ai tout le temps pour une chronique. Ben, oui. Où tu me présentes de la musique pour étudier ou encore travailler fort sur quelque chose pour vraiment du labeur. Oui. Oui. Et écoute, je suis en plein dedans, moi, ces temps-ci. Je suis dans maîtrise, par-dessus la tête. Puis dans neige aussi, apparemment, ce matin, par-dessus la tête. T'as amené ton sac, d'ailleurs, c'est cadeau. Oui, j'ai amené mon sac à neige, en fait, comme vous m'avez fait remarquer en entrant en studio. Il y a de la neige dessus. Bref, allô. Allô. Salut, Max. Salut. Donc, aujourd'hui, je vous amène au Chili. Hey, c'est fou, hein? Wow, ouais. T'as gagné des billets? 89 FM. Ouais. Non, non, c'est une façon de parler. Oh. Et cette farce. Et voilà, donc j'amène au Chili, là où vous attendez à de la musique chilienne. Et d'habitude, oui, de la musique chilienne, Chili, j'avoue. Ben, c'est pas tant ça. Chili con carne, etc. Oui, c'est ça. C'est, ben, c'est le nom du groupe, non. C'est, non, de la musique chilienne, dans le fond, mais c'est un groupe qui est signé sur un label new-yorkais qui s'appelle Sacred Bones, que j'ai découvert tout récemment, au courant de l'année 2013, qui est une étiquette que j'adore. C'est vraiment très underground dans la scène new-yorkaise. Et c'est beaucoup dans des groupes pas possibles. Tu sais, souvent, la tendance principale, c'est le psychédélique. La majorité des groupes sur ce label-là vont avoir un son psychédélique, mais là, ça va se promener de métal psychédélique à rock psychédélique à vieux psychédélique authentique. C'est assez particulier. Et Phalanxoïdes, eux autres, sont plus dans le vieux psychédélique, justement, plus authentique, avec leur album Two. Two? Two. Deux. Qui, ironiquement, je crois, est de leur premier. Oui. Et, c'est excellent. Donc, c'est Phalanxoïdes, le nom du groupe chilien. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Phalanxoïdes. Phalanxoïdes, oui. F-O-T-R-E-M-A. L-L-A-K-Z-O-I-D. Logique. Logique. Et donc, et la pochette qui est une photo du cosmos, en fait, nous inspire beaucoup la musique de Phalanxoïdes, c'est-à-dire des pièces qui sont généralement très longues. La plus courte, c'est la première qui dure 6 minutes et demie. Donc, le reste, c'est tout en haut de ça, dont la dernière qui fait 12 minutes. Okay. Et c'est une musique très dans le pur du psychédélique, c'est-à-dire des riffs de guitare qui sont très répétitifs, un son qui est lointain, la voix qui est très, très loin, qui est en anglais, d'ailleurs, qui n'est pas... il parle-tu en chilien? C'est en espagnol? Oh. Charles, c'est ça, toi? Non, Charles? C'est pas ça. Non? Non. Non. Non. Ah, c'est dommage. Donc, langue nationale du Chili, si quelqu'un sait, appeler assez fou au 376-51-83. Et, ou essayer de battre Mathieu de Vitesse qui regarde sur Wikipédia. Espagnol. Donc, mais il parle plusieurs langues. Hein? L'espagnol chilien, ça existe, saviez-vous ça? Ah. Hein? Hein? Ah, donc une variante de l'espagnol. Cool. Mais non, ça nous sert à rien parce que c'est en anglais. Il y a la langue des signes chilienne aussi. Vas-y. Il parle avec des piments dans les mains. Ah, c'est tellement un préjugé. Oui, hein? Oui. Et... Il paraît qu'ils ont les mains très, très piquantes. Et... Et donc, Phalanxoïdes, donc, il fait vraiment dans le pur du rock psychédélique, donc des pièces, justement, à la limite de la... C'est quasiment aliénant, en fait, comme, okay. Comme musique, tellement c'est répétitif, justement. Mais moi, j'aime beaucoup ça. C'est très, très bien. Et pourquoi je l'amène comme type de musique d'étude, c'est que, d'un, la voix est très lointaine, donc on n'a pas tendance à écouter la voix principalement. Et les pièces sont très, très longues et sont comme ils ont un côté très répétitif. C'est que ça n'arrête pas à chaque 3 minutes pour embarquer dans une autre chanson. Exactement. Okay. Exactement. Et l'ambiance globale du disque est quand même pas mal tout le temps la même, c'est-à-dire chill. Chillier. On l'avait. Là. Voilà. Hey, c'est, vous connectez ce matin. C'est vraiment c'est chillier. Bon, donc c'est tranquille, c'est mid-tempo. En tout cas, c'est du Jamaïcain. C'est chill, yeah. C'est chill, yeah. Chill, yeah. Man. Man. Ça explique tes rastas ce matin. Oui. Et donc voilà, le groupe que je vous propose, l'album est relativement court. En fait, c'est 5 pièces, l'album, quand même tous. Et ils sont tous en ordre de grandeur, à part la 2 et la 3. Donc, 6 minutes 31, 7-29, 7-19, 9-6, 12-21. Plus ça va, plus c'est long. Et vraiment, c'est une très, très, très, très bon album à vous faire découvrir que je vais vous faire écouter. On va écouter juste une pièce aujourd'hui, par contre, parce que ça peut être le monde en char vont se planter d'un fossé, là, parce qu'ils vont tomber dans une lune. Mais écoute, tantôt, tu m'as dit sur la pochette, semble-t-il, que c'est la pièce Rio. La numéro 3, c'est la pièce Rio. Mais non, c'est effectivement Trees. Donc, mais c'est bizarre. Il y a une hein? erreur d'impression ça dans ce cas-ci sur la pochette parce que c'est tant mon iTunes que le Bandcamp du groupe, parce que vous pouvez aller écouter l'album au complet sur Bandcamp en passant, me disent que la pièce numéro 3, c'est Trees, donc les arbres. C'est bizarre que tu as juste 5 chansons et tu réussis à te tromper sur le dessin. Ouais. Oui. Mais ils ont peut-être changé l'ordre, peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était pas l'ordre de grandeur. Veux-tu écouter le début de la chanson pour voir si c'est non, la troisième? Non, c'est sûr okay, que parfait. C'est la troisième. C'est cool. Sûr. Puis si ça l'est pas? Si ça l'est pas, j'ai l'air calme. Et puis si ça l'est pas? Et puis si ça l'est pas? Ding, ding, ding, big winner. J'allais pas nous venir. En tout cas, j'ai essayé. Tu l'avais pas vu le jeu? J'allais à peine vu venir. Okay. En tout cas, ouais. J'allais à peine nous. Hein? J'ai dit hey, c'est pas elle. Non, non, c'est une parcelle. Fais-moi pas ça. Donc, Flaxoïd, voilà. Flaxoïd. Donc, légèrement aliénant. Tu sais, c'est le genre de musique qu'il faut quand même apprécier, là, je pense, pour écouter l'album au complet, parce que c'est le mood global de l'album. Là. Le petit ding-ding. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont utilisé exactement face à ça. C'est clairement pas une cloche à vache. Moi, je m'y mets du clavier. Toi, de la cloche à vache, toi, c'était quoi? Un genre de petit triangle. Cymbale. Non. Ah. Cymbale, la belle sur le cymbale, c'est la petite partie bombée. Ouais. Ça ressemble à ça, mais comme un peu fuzzé dans le son, là. Puis une cymbale très petite pour que ça fasse ça. Bref. Donc, voilà, le groupe, c'est un trio chilien, je le rappelle. Leur album 2 est disponible sur leur Bandcamp en écoute, en digital également, si vous voulez vous le procurer de façon légale, parce que c'est ce qu'on encourage tout le temps. Bien sûr. Surtout des petits groupes comme ça. Et si vous avez aimé le son en tant que tel, si vous dites « Hey, ça me branche », ben vous n'avez pas juste Flaxoïd, vous pouvez découvrir. Allez sur le site de Sacred Bones, donc les eaux sacrées, si je le traduis. Sacred Bones Record, et c'est pas mal des bands comme ça, dans ce style-là, qui est représenté par le label new-yorkais. Donc voilà ce que je vous offrais pour étudier en cette fin de session torride. Torrifié. Oui. Torrifié. Moi, à la fin de ma journée, ça va sentir le brûlé, là, au niveau de la tête. Là. Ah ouais? Ah ouais. Hey, Maxime, si on peut jaser un peu de musique, là, toi, évidemment, t'es plus du genre à acheter la musique dans les magasins pour encourager. T'as déjà travaillé dans des magasins de musique, est-ce que t'achètes un peu en ligne? C'est rare. C'est extrêmement rare que je... Ben, tu parles en ligne digitale ou en ligne... Oui. C'est très, très rare. OK, parce que je me demandais, un album comme celui-là qui a 5 pièces dessus, ils vont te vendre souvent le CD pour... Bon, des fois, ils vont te charger, c'est quoi, 1$ par chanson, 1,29$ dépendant. Donc, peut-être que là, tu pourrais te permettre l'album pour 5$. Ou est-ce qu'ils te le vendent pour le prix d'un album pour 10$? C'est ça que je me demande, parce que c'est pas équivalent. Il y a des albums qui vont être vendus 10$ pour genre 40 chansons de punk, mettons. Effectivement. Mais c'est pas... un album est plus déterminé par sa durée par son nombre de chansons. Parce qu'un album progressif peut avoir 3 chansons de durée 1h30. Ouais. Fait que c'est à nuancer, tu sais. J'ai l'exemple, en fait. Fallout Exile, lui, il a 5 chansons, mais tu sais, c'est un album de 40 minutes au moins, facilement. Donc, c'est un album, tu sais. Eux autres, sur le site de Bandcamp, digital coûte 7$. Moi, si je me souviens bien, il m'a coûté peut-être 12-13$ quand je me l'étais procuré en copie physique. Mais il y a un album que j'ai présenté la semaine dernière avec Danny Janvier à l'Assemblage... pas Assemblage Rocky, c'est vous autres, au dîner de con. Mutoid Man, qui eux autres considèrent ça comme un album, mais c'est 7 chansons de 2 minutes et demie. Ouais. Donc, c'est à peu près 20-25 minutes. Fait que lui, je l'ai téléchargé parce qu'il était à 5,99$ seulement sur iTunes. Puis il y a aussi le fait que le disque n'était pas disponible au Canada. C'était chippé juste aux États-Unis pour une raison complètement débile, j'imagine. mais oui, c'est sûr qu'effectivement, pour des EP qu'on dit, des fois, si vous tenez vraiment à avoir le EP, c'est parfois plus avantageux d'aller le chercher directement sur Internet. Là. Mais pour un album. Moi, en même temps, je suis un puriste. J'aime ça avoir la pochette, j'aime ça la sentir, j'aime ça. Moi, je suis un peu bizarre. Ouais. Fait que... Non. On aime tous cette odeur-là. Les livres plus que les CD, il me semble. Ah oui, mais non, un CD neuf, honnêtement, là, ça sent le petit neuf, là, j'aime bien ça. Faut que t'aies de la misère à le déballer, ça. Faut que t'aies de la misère à le petit plastique, le petit coin, là. Hey, mon passé de gars qui a travaillé dans une boutique de CD a tellement aidé ça, là. Il n'y a plus un CD qui vient à bout de moi, là, cette heure, là. Pour le déballer, là. Est-ce que tu gardais genre un ongle long bien acéré pour pouvoir déballer? Non, le CD, truc, c'est un comptoir. Okay. Quand vous avez un disque, là, on s'entend, un Jewel Case, là, un case en plastique, les deux côtés, en haut et en bas, ils ont tout le temps comme un genre de petit rugueux. Mm-hmm. Prenez un côté de comptoir et glissez-le d'un coup. Okay. Ça va automatiquement couper le plastique. Après ça, vous pouvez vous amuser à l'ouvrir. Ce que vous pouvez faire aussi avec la chanteuse Jewel. Oui, oui, sur un comptoir. Oui, ça y ouvre la fente. Ça y ouvre la... Je ne pensais pas que j'allais la finir, cette blague-là. J'aurais dû arrêter. Ben oui, mais il y a des moments qu'on... Qu'on regrette. Ouais. Comme sa carrière. Je vois au complet. Ah, là, mais on va laisser tomber le cas de Jewel. On va laisser tomber le Jewel Case un peu. Oui, le cas de Jewel, c'est bon. Merci, Maxime Tanguy. Ça m'a fait plaisir. C'est fun de parler avec toi. Ben toujours, toujours. On peut, on le fait pas à la fin de tes chroniques, mais on pourrait te laisser faire la plug quand même. On a permis tantôt à la Luit de faire sa plug pour la Luit qui est à 19h30 le lundi soir. Il y a aussi la Lime les mardis soirs à 20h à la Maison de la Culture. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la semaine prochaine, non. La semaine prochaine, il n'y a pas de Lime. Non. Cette semaine, c'est le dernier match de la première partie de saison également de la Lime. Les deux ligues vont se terminer en même temps cette année. Le 10. Pardon? Le disque. Le disque. Ouais. Et c'est Mauve-Vert demain qui s'affronteront sous la tutelle de Pascal Chalet-Janson, qui est un excellent joueur d'improvisation ainsi qu'un de mes coéquipiers cette année. C'est vrai. Là, je vais te demander la question que je n'aurais pas te demander parce que je devrais savoir ces choses-là, mais t'es Mauve-Vert, toi? Moi, je suis blanc. T'es blanc, c'est ça? Tu vois? Je vais faire... Avez-vous eu une victoire, finalement? Hein? Oui? Ah oui, il y a deux même. Oui, OK. Hey, arrête, arrête. Là, on est invaincus depuis, depuis deux semaines. Tu me sais, je me suis pas encore déplacé mardi. J'ai remarqué. Ouais. Hey, il nous en veut, Maxime, il m'en parle à tous les jours. Je sais. Ah oui, surtout aussi. Que c'était un événement spécial, ouais, vous avez manqué ça, puis c'est un succès, tout le monde pleurait de rire et de tristesse et tout, là. Ah, je sais pas, si notre sentence va être longue par rapport à ce manque-là flagrant de participation. Jusqu'à la prochaine scène alternative. Ah oui? Ouais. Okay. Ah ouais. Si vous êtes pas là, ben là, ça va être encore jusqu'à la prochaine scène. Ça va être pire, là, ça, ouais, ça va aller sans montant. Ouais. Ouais, ouais. L'équipe des Mauves, évidemment, c'est l'équipe de... Alex Drouin. C'est ça, je vais dire. Oui. On va leur dédier la chanson Manège. C'est la formation Mauve. Quel bon choix, Maxime. Vous avez la suite d'un SD. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Ce qui t'empête la vie ne varise les pièce Manège sur Assemblage Requis. C'est là-dessus que va se terminer notre émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain, mais avant ça, disons merci aux gens qui ont participé. Entre autres, Laurent Constantin. Oui, Charles Doucet. Charles Doucet de la Luitre. Oui. Maxime Tanguay, bien sûr. Demain, à l'émission, on aura Charles-Antoine Rioux et sa collègue Truc et Astuce du Club Pédale Recutaire. Oui. Mathieu Roy. De la chronique de l'AGE. Mmh. Il parlera pas d'AGE, pardon. Il parlera pas d'AGE demain, non? Ben, je sais pas. Depuis tout, on parle de tout et de rien. Là. OK. On verra. On va s'amuser avec lui. Et Alexandre Carignan pour le temps de culture. Oui, une belle émission. Un spectacle. Donc, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Soyez là avec nous toujours et en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes aujourd'hui, assez fou, on aura à 10h l'émission À vos micros avec les gens des Jeux de la Com. Oui. Ensuite de ça, le dîner de con à 11h avec Danny Jarvis. Je pense qu'ils ont fini À vos micros, pour vrai. Ils ont fini. Je sais pas me le dire, mais je pense que c'est la dernière qui passe, c'est pas mal sûr. Bref, le dîner de con va être là à 11h, on le sait. Les précieuses ridicules sont super fiables, sont là à 13h. À 16h, d'habitude, il y a Hors Zone. 17h, ça c'est j'en suis convaincu, l'édition New Shit des Palmarès, c'est fou, avec moi et Stéphanie Paradis. Ensuite, Mamselle Blues à 18h. 19h, c'est Le Voyage Insolite, et à 20h, Rock de Neuron. Voilà, monsieur. Steve.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.ca pour les balades aux diffusions et les notes de l'émission. Facebook, Twitter, Instagram, pense qu'on n'est pas sur Instagram du tout. Non. Snapchat? On n'est pas sur LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn? C'est pas un chanteur, c'est LinkedIn. Non. On a des bureaux physiques aussi. Hein? On est, des fois, pour faire salut. On peut nous livrer des paquets par bureau aussi. Oui. Des fois, on reçoit du courrier. À la semaine prochaine. À demain. Demain? Hein? Mathieu, ta semaine va être vraiment longue. Aujourd'hui, hein? Ça va bien aujourd'hui, mon parler est vraiment présent. Ben c'est correct, moi, c'est mon nez qui parle. Check mes petites narines, ce qu'ils sont capables de dire. Bye Mathieu, à demain! Ha ha ha ha!